إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui notre cours numéro 37 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen sur la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et l'explication de cette aqida. Et on est en train d'expliquer la question du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, hein, il est au-dessus de sa création par sa personne et par ses attributs. Et on a clarifié ça donc dans les cours précédents. Et on en a parlé, on a commencé à en parler. Le Cheikh, il continue encore d'expliquer ce point-là à propos de l'attribut de Al-Ulu. Al-Ulu qui vient du nom de Al-Ali. Al-Ali ou Al-A'la. Deux noms parmi les noms d'Allah. Al-Ulu, c'est l'attribut, c'est-à-dire l'élévation ou la hauteur. Hein, le fait qu'Allah est élevé au-dessus de tout. Et le nom auquel cet attribut est relié, c'est les deux noms suivants, Al-Ali et Al-A'la. Al-Ali qui veut dire le très haut et Al-A'la qui veut dire le plus haut. Maintenant, le Cheikh il a expliqué déjà certains points à ce sujet-là. Et il a parlé du fait qu'il y a certaines personnes parmi les gens de Bid'a qui refusent d'affirmer cet attribut à Allah. Hein? Et ils refusent de dire que Allah est au-dessus de sa création par sa personne. Donc on était en train de mentionner des points à ce sujet-là et des preuves à ce sujet-là. Donc le Cheikh il dit وَعَلَى كُلِّ حَالِ هَذِهِ أَدِلَّةٌ خَمْسَةٌ عَلَى عُلُوِ اللَّهِ بِذَاتِهِ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ. Au dernier cours, c'est ça qu'on expliquait, les cinq preuves à propos du fait que Allah est élevé au-dessus de sa création. On a mentionné les preuves du Coran, on a mentionné les preuves de la Sunna, on a mentionné les preuves de l'ijma', on a mentionné les preuves de la raison, al-aql, et on a mentionné les preuves de la fitra. Donc, après avoir mentionné ces cinq preuves, en résumé, parce que bien entendu, il y a beaucoup plus d'autres. Il y a beaucoup plus d'exemples mentionnés dans chacune de ces preuves-là. Il y a plusieurs exemples possibles. Et ici, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a mentionné que quelques exemples de chaque. Mais si quelqu'un veut avoir, par exemple, plus de détails sur chacune de ces preuves-là, il peut retourner à des livres qui vont plus en profondeur. Comme par exemple, le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya qui s'intitule يعني الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. Il peut également retourner au livre qui s'appelle Ijtima' Juyush al-Islamiyya de l'imam Ibn al-Qayyim. Il peut également revenir au livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Nuniyya, Al-Kafiyya al-Shafiyya, c'est son poème dans lequel il réfute les Jahmiyyah. Il y en a comme 6 000 vers et plus qui, et dedans il y a des réfutations des Jahmiyyah, et déjà qui nient les attributs d'Allah. Et il y a aussi un autre livre de l'imam al-Dhahabi, yani al-Ulu, hein, le livre de l'imam al-Dhahabi, al-Ulu. Il y a aussi un livre qui s'appelle Al-Arsh. Et Cheikh Al-Albani, il a fait un mukhtasar de ce livre. Donc ça aussi, c'est un autre livre qui parle de ce sujet. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc tous ces livres-là, c'est des livres qui mentionnent les preuves sur ces questions-là. Il y a aussi des livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui parlent de ce sujet aussi. Donc tout ça, c'est des livres qui affirment, hein, qui établissent la preuve de l'affirmation des attributs d'Allah. Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle Al-Risalat al-Murakushiyya. Il clarifie ces questions-là dedans à propos de l'istiwa. Et aussi, il a une autre risala qui s'appelle Al-Fatwa al-Hamawiyya, dans laquelle il parle aussi de cette question dedans aussi. Et aussi Al-Aqidat al-Wasitiyya, bien entendu, il en parle aussi là-dedans. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de livres que les ulama ont écrits pour clarifier ces questions-là. Donc le Cheikh il dit « وَإِنَّهُمْ يُرِدُونَ وَلَا بَأْسَ بِهَذَا الْبَسْطِ فِي هَذَا الْأَمْرِ فربما تجدون من يجادلكم وإنهم يريدون على هذا إشكالا. أولا يقولون إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، وقالوا أأمنتم من في السماء، إن قلتم إن في تفيد الظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء في محيطة به أو محيطة به، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به، فإما أن تقولوا إن السماء محيطة به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. Donc le Cheikh il mentionne des shubuhat, des gens de bid'a qui essaient d'utiliser des versets de Coran pour essayer de nier que Allah est au-dessus de sa création. Et parmi les exemples de versets qu'il cite, il y a les quatre versets suivants. Le premier verset, il dit, premièrement, ils disent, c'est-à-dire, eux, ils disent en premier, vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de tout. Alors, dans ce cas-là, vous avez contredit le Coran. C'est ça ce qu'ils disent. Et les quatre versets qu'ils ont mentionnés, c'est le premier, c'est le verset 16 dans Surat al-Mulk. Et l'autre, c'est le verset 17 dans Surat al-Mulk. C'est deux versets qui se suivent. Le premier verset, « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. » Donc les deux versets en question signifient ce qui suit. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuisse en la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ça, c'est deux versets qu'il cite. Il cite également un autre verset qui est le verset 84 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Je vais voir comment eux ils ont comment la traduction à propos de ce verset, le verset 84. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. Hein? Et c'est lui le sage et l'omniscient. Donc ça c'est une traduction, mais quand tu vois leur cette traduction là, elle n'est pas exacte, elle n'est pas correcte. Parce que ici ils ont traduit Ilah par Dieu. Et Ilah, c'est comme on le sait si on a bien compris la définition et la traduction du témoignage de la ilaha illallah, le mot ilah ça veut dire al-ma'boud, c'est-à-dire ce qui est adoré. Donc la bonne traduction serait plutôt et c'est lui qui dans le ciel est adoré et qui sur terre est adoré. C'est ça la signification. Mais bon, ça de toute façon le cheikh il va l'expliquer dans la réfutation de ces shubuhat que eux ils ramènent. Ensuite, il cite un autre verset qui est le verset 3 dans Surat Al-An'am. Et on va regarder encore une fois la traduction. C'est pour ça des fois les traductions c'est dangereux parce que ça peut induire en erreur. Si quelqu'un il lit le verset qu'on a lu tout à l'heure, hein, c'est lui qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu sur terre, quelqu'un va entendre ça et va trouver ça peut-être bizarre. Hein, parce que ça donne pas le vrai sens de qu'est-ce que le verset signifie. Mais bon, il faut, comme on dit, c'est le but de la traduction, c'est de faciliter la compréhension, mais il faut pas s'y référer comme étant une chose absolue. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que qu'est-ce qu'on lit quand on lit une traduction des sens du Coran, que qu'est-ce qu'on lit, c'est exactement la parole d'Allah, et que c'est les vrais sens de ce que Allah a dit exactement. Parce que ça peut être quelque chose qui nous rapproche de ce sens-là, mais qui n'est pas nécessairement ce sens-là. D'accord? Et donc, ici, l'autre verset qu'il a cité, hein, « Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ». Et il dit, en français, la traduction, c'est « Et c'est lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. » D'accord? Ça, c'est l'autre verset. Donc, ils ont dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans l'autre verset qu'on a lu dans Surat Al-Mulk, « Êtes-vous à l'abri que celui qui est dans les cieux ?» Il dit, si vous dites que « dans » l'article « dans » ou le, comme on dit, la préposition « dans », hein, fi en arabe, que ça c'est une préposition, alors ça veut dire que dans ce cas-là vous avez limité Allah dans les cieux, hein, parce que la préposition, hein, quand tu dis la chose qui est mentionnée par, qui est restreinte par la préposition, et ben en général c'est la chose dans laquelle elle est qui est plus grande, en voulant dire que le ciel est plus grand que, hein, ce qui est mentionné comme étant dans cette chose, dans le ciel. Donc ils essaient d'utiliser ça pour dire que quand on dit que Allah, hein, est dans les cieux, celui qui est dans les cieux, que on est en train de dire que Allah est encerclé et est cerné par les cieux. Donc on est en train de limiter Allah, hein. Donc ça c'est ce qu'ils essaient de dire en mentionnant ce verset là. Il dit, et si vous ne dites pas que le ciel enveloppe Allah, alors soit que vous dites que le ciel enveloppe Allah et qu'il est dans le ciel, ou bien que vous niez que Allah soit dans les cieux. Et le cheikh, il donne une réponse à ça. Il dit, نقول الجواب عن هذا بأحد وجهين. الأول إما أن يكون في قوله في السماء بمعنى على السماء وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض، إذ ليس معناه أن الإنسان يحفر خنادق في الأرض ويمشي فيها. وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، فإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله تعالى فوق السماء لا في جوفها. Donc la première réponse, le cheikh dit on peut répondre à ça par deux réponses. Et les deux réponses sont des réponses vraiment solides. Si tu connais ces deux réponses-là, tu vas facilement être capable de réfuter la personne qui veut te ramener ce genre de shubha. Comme par exemple les ahbash. Ça fait partie de leur shubuhat. Ils mentionnent ça des fois. Donc ils vont dire... Non, est-ce que vous dites qu'Allah est dans les cieux? Et en arabe, la préposition dans, D-A-N-S, c'est fi. Hein, le fa et le ya. Fi. Ça veut dire dans. Hein? Sauf que ça peut vouloir dire aussi sur. Fi, ça peut vouloir dire dans, et ça peut aussi, dans certains cas, vouloir dire sur. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est des versets, par exemple le verset 11 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Hein? سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. سِيرُوا, ça veut dire parcourir, aller. Yani, aller, partir, marcher ou avancer. فِي الْأَرْضِ. Hein? Ça veut dire ici sur la terre, ça ne veut pas dire dans la terre. Le cheikh il dit donc ici le mot fi veut dire ala, sur, et non pas dans. Est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset creusez des trous dans la terre puis enfoncez-vous dedans à l'intérieur? Donc c'est pas ça la signification. De même que dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 71, dans Surah Taha, il dit, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Donc, on va voir, si je ne me trompe pas, c'est à propos de l'histoire de Pharaon. Ça, c'est Pharaon qui dit ça. Hein? C'est Pharaon qui dit ça. Je vais vous crucifier sur. Attends, ici c'est fi juzou'i an-nakhl. Il dit alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper les mains et jambes opposées. Je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Hein? Mais au tronc des palmiers, en arabe, c'est fi juzou'i an-nakhl. Hein? Je vais vous faire crucifier. Et ici, fi est dans le sens de ala. Ala juzou'i an-nakhl. Non pas dans les troncs de palmiers. Hein, Pharaon, il n'est pas en train de dire je vais vous crucifier dans les troncs de palmiers, il dit sur les troncs de palmiers. Ou bien vous crucifiez au tronc des palmiers, et non pas dans les troncs de palmiers. Donc, on voit que dans la langue arabe, on peut utiliser la préposition fi dans le sens de ala. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 16 et 17 dans Surat Al-Mulk, A amintum man fis sama, ici, c'est donc dans le sens de ala sama, c'est-à-dire vous pensez êtes-vous à l'abri que celui qui est sur les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Hein? Donc ici, si on comprend que la préposition fi est dans le sens de ala, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de problème avec la compréhension du verset. Hein? Et il est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il est au-dessus de sa création et non pas dans sa création, cerné ou enveloppé par sa création. D'accord ? La deuxième réponse à cette shubha, c'est la suivante. Cheikh il dit الثاني أن المراد بالسماء العلو لأن في العرب في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء حتى سقف البناء يقال له سماء بالنسبة لنا فيكون معنى من في السماء أي من في العلو وإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو قلنا قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها والماء نازل من السحاب والسحاب مسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. Donc le cheikh il explique la deuxième réponse à cette shubha à propos du fait que Allah dit qu'il est fis sama. La deuxième réponse consiste à dire que en réalité en arabe le terme as-sama peut désigner tout ce qui est au-dessus de ta tête. En arabe, quand on dit le terme sama, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de toi. Même le toit de la maison qui est au-dessus de toi, au-dessus de ta tête, on l'appelle sama. Hein? Et même que la pluie qui tombe, on l'appelle sama en arabe. On dit par exemple quelque chose qui a été atteint par la pluie. Hein, s'il y a des marchandises ou des produits ou quelque chose qui a été touché par la pluie, on dit asabahu sama. Il a été touché par le sama. Sama, c'est-à-dire la pluie. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Ben, il dit, أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Parce que quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la preuve? Hein? C'est quoi la preuve? Donne-moi une preuve dans le Coran, dans la Sunna, que le terme sama peut vouloir dire au-dessus. Et qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Al-ulu. Et le cheikh, il donne comme exemple justement ce verset-là. Anzala min as-sama'i ma'an. Allah a fait descendre une eau du ciel. Il dit, on sait très bien que l'eau qui tombe, la pluie, elle tombe pas du ciel. La pluie, elle tombe des nuages. Et les nuages sont entre les cieux et la terre. Donc quand on dit que l'eau tombe du ciel, on dit qu'il tombe des nuages. Mais en réalité, c'est que les nuages sont au-dessus de nous. Donc on dit « minas-sama » parce que c'est tout ce qui est au-dessus de toi, en arabe, c'est désigné comme étant « sama ». D'accord ? Donc ça, c'est pour expliquer que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « a'amintum man fi sama » êtes-vous à l'abri que celui qui est dans les cieux. Ici, c'est que celui qui est au-dessus de vous, dans les cieux. C'est-à-dire au-dessus des cieux. C'est ça que ça veut dire. Au-dessus de nous tous. Donc ça clarifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et que quand on dit A'amintum man fis sama, c'est-à-dire que Allah est au-dessus. Et que là où il n'y a personne avec lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand il explique al-zahir, al-zahir, un des noms d'Allah c'est al-zahir. Et al-zahir c'est celui qui est au-dessus de tout. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, il dit wa huwa al-zahir laysa fawqahu shay. C'est-à-dire c'est lui qui est يعني au-dessus de tout, il n'y a personne au-dessus de lui. Personne n'est au-dessus de lui. ليس فوقه شيء. Et il dit ensuite, en ce qui concerne l'autre verset, أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد فهذا مستحيل لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله فهو هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة يعني أن امرته في هذه وفي هذه أما مكانه ففي واحدة منهما إما في مكة وإما في المدينة والآية كذلك يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض ولذلك قال هو الذي في السماء إله فلم يقل في السماء فقط وفي الأرض إله ولم يقل في الأرض فقط أم donc ici le cheikh il répond à l'autre verset. On a dit que la traduction qui était mentionnée à propos de ce verset là elle était incorrecte. Pourquoi? Parce qu'elle est pas claire en fait. Elle est ambiguë, cette traduction. De traduire « ilah » par le terme « Dieu », ça peut induire en erreur. C'est le verset 74 dans Sourate Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset « وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ » Non, c'est pas 74, pardon. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit... Ah non, c'est 84. Oui, c'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. C'est lui le sage et l'omniscient. Donc ça, c'est pas ça la vraie signification. D'accord? Cheikh, il dit que Al-Ilah, on le sait, c'est celui qui est... C'est qu'est-ce qui est adoré. Donc c'est lui qui est adoré dans les cieux et qui est adoré sur terre. Parce que les habitants des cieux, les anges, ils adorent Allah. Et les habitants de la terre, ils adorent Allah. Hein? C'est ça que ça signifie. Mais le cheikh, il explique, il dit, c'est comme, par exemple, quelqu'un peut être le maire de tel endroit et de tel endroit. Hein? C'est comme si, par exemple, il va être le dirigeant dans telle ville et dans telle ville. Il donne cet exemple. Il dit c'est un tel, il est amir de Mecca et amir al-Madina dans Médine. Donc les gens de la Mecque l'obéissent et les gens de Médine lui obéissent. D'accord? Mais malgré tout, lui il est soit à Mecca ou soit à Médine. Hein? Il n'est pas dans les deux villes en même temps. D'accord? Et ici, dans le verset, le cheikh, il fait comprendre un point important, c'est que le verset, il dit pas, c'est lui qui est dans les cieux et c'est lui qui est sur terre. Le verset dit, c'est lui qui est adoré, hein, c'est lui qui dans les cieux est adoré et qui sur terre est adoré. C'est ça que le verset dit. Donc, il n'y a aucune mention du fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit sur terre, par exemple. Parce que eux, les gens de Bid'a, souvent, ils essaient de dire que Allah est partout. Donc, ils utilisent ce genre de verset-là pour essayer de faire croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Il est sur terre, il est dans le ciel, et ainsi de suite. Alors que, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas partout par son être, mais qu'il est au-dessus de sa création. Hein? L'autre verset qu'il ramène, il dit وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ف فنقول الجواب فيها من وجهين. الأول إما أن نجعل الله متعلقا بها في السماوات والأرض فتقول كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وهذا يكون الجار والمجرور والمعطوف متعلقا بلفظ الجلالة. والثاني أن نقول هو الله في السماوات، وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون قوله في الأرض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم، فيكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة، ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة جنسا لا فردا، لأن دلالة القرآن والسنة لا تحصى. Donc, le cheikh il dit, pour répondre à la shubha avec le dernier verset qu'on a cité, et c'est quoi le verset en question? C'est le verset Na'am. Donc, c'est le dernier verset, le verset dans Surat al-An'am, verset 3, dans Surat al-An'am. On avait dit, on va voir dans la traduction encore, comment il a été traduit en français dans la traduction de l'imprimerie de Malik Fahad, rahimahullah. Il dit, et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Sauf que le verset, il continue. Et c'est ça, en fait, qui fait une des deux réponses par rapport à la shubha de ce verset-là, c'est que il faut continuer le verset pour comprendre comme il faut. Et c'est lui qui est Allah dans les cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, et sur la terre, il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Donc, en fait, il faut pas comprendre qu'il y a un point ici après la terre, parce qu'ils ont mis un stop ici, alors qu'en réalité, il devrait pas y en avoir un. C'est-à-dire, Et lui, il est Allah dans les cieux. Là, il y a un stop. Et après, et sur la terre, il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. C'est ça la signification. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire que malgré que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux et au-dessus de sa création, malgré ça, il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez sur la terre. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, ça ne l'empêche pas de savoir tout ce que vous cachez, tout ce que vous divulguez sur terre. Ça c'est la deuxième réponse. J'ai commencé par la deuxième en premier. D'accord? Et la première explication c'est la même que la précédente à propos du verset 84 dans Surat Az-Zukhruf. C'est-à-dire, on mentionne que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est adoré, comme on a dit tout à l'heure, c'est lui qui dans les cieux est adoré et sur terre est adoré. Donc, ce serait dans ce sens-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est adoré dans les cieux et adoré sur la terre. Donc, ça, c'est la première explication que le cheikh avait donnée à ça. Et il dit ainsi, en mentionnant ces réponses-là, on vient de clarifier un point par rapport à cette question. On sait que, également, parmi les versets, il y a d'autres versets aussi que les gens de Bid'a, ils ramènent pour essayer de prouver ou de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est partout et qu'il est mélangé avec sa création. Et parmi ces versets-là, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il est avec vous où que vous soyez. » « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ » Et les ulama ont répondu à ça en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous par sa science. Par sa science, il est avec vous par sa vue, par son ouïe. Il sait tout ce que vous faites et tout ce que vous avez en vous-même et tout ce que vous cachez et tout ce que vous divulguez. Il le connaît et aussi il est avec vous par son ouïe et il est avec vous par sa vue et ainsi de suite. Donc ça c'est des explications par comment répondre à cette shubha aussi. Ceux qui essaient de dire non mais finalement Allah il dit qu'il est avec vous où que vous soyez, ça ne veut pas dire qu'il est physiquement partout comme le disent, qu'il est disons avec mélangé avec sa création par son être et par sa personne, ça c'est incorrect. Maintenant on continue, inshallah, le cheikh dit وَقَدْ خَالَفَ فِي الْعُلُوِ الذَّاتِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى طَائِفَتَانِ الطائفة الأولى قالوا إنه في كل مكان بذاته والعياذ بالله فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الأماكن المحترمة وفي الأماكن القذرة وفي كل مكان وهل هو يتجزأ أو متعدد لأنه يلزم على قولهم إما أن يكون متجزأ بعضه هنا وبعضه هنا أو متعددا أو يكون متمزقا في الواقع فإذا قلنا هو في المسجد وهو في السوق وبيننا وبين السوق جدران فمعناه أنه مزقته أو نقول إنه حال في الجدار أيضا وفي الطين وفي اللبن وفي اللبن والحديد وما أشبه ذلك. ولهذا فالقول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله على هذا القول بأنه إنه أخبث من قول النصارى. On va expliquer ça. Le cheikh il dit en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et au-dessus de toute chose par son être, il y a deux groupes qui ont divergé à ce sujet-là. D'accord? On a mentionné ça, ce point-là déjà dans les cours précédents. Il y a deux groupes qui sont à deux extrêmes dans cette question. Mais on a expliqué que ces deux extrêmes, en réalité, se rejoignent d'une certaine façon. Et on va voir comment. La première, ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, par son être. Wal'iyazu billah. Donc ils disent, il est dans la mosquée, il est dans le marché, il est sur terre, il est dans la mer, il est dans le ciel, il est dans l'espace, il est dans les endroits respectables et dans les endroits sales, il est dans toutes les places et dans tous les endroits. Et est-ce qu'il se divise et est-ce qu'il est multiple, est-ce qu'il se divise et est-ce qu'il se multiplie, Parce que ça, s'ils disent qu'il est partout, ça implique qu'il se divise. Il se sépare, en différentes parties. Une partie est ici, une partie est là, ou bien qu'il est multiple, Et donc, il est découpé, en réalité, selon cette opinion-là. Parce que si on dit qu'il est dans la mosquée, puis qu'il est dans le marché en même temps, et dans le souk, entre la mosquée et le souk, il y a un mur. Donc ça veut dire qu'il est découpé. hein, il est séparé par le mur. Ou bien, on dit qu'il est, même il est à l'intérieur du mur. Il est dans la terre, il est dans les briques, il est dans le duproc, hein, il est dans le fer, et ainsi de suite. Le cheikh, il dit, c'est pour ça qu'on dit que cette parole, c'est en réalité une introduction. Quand quelqu'un dit qu'Allah est partout, c'est comme si c'était en réalité une introduction à la parole ou à l'idée que Allah est mélangé à toute chose et qu'il est à l'intérieur de toute chose. C'est ça en réalité que ça amène. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit à propos de cette opinion-là, c'est-à-dire de dire que Allah est partout et dans toute chose, que cette parole, elle est plus sale et plus mauvaise que la parole des chrétiens. Et il explique pourquoi. Il dit, فَالنَّصَارَ خَصُّ الْحُلُولَ بِعِيسَى ابن مريم فَلَمْ يَجْعَلُوهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ثُمَّ خَصُّوهُ بِمَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ وَهَؤُلَاءِ قَالُوا إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ فَيَكُونُ حُلُولُ هَؤُلَاءِ أخبث من حلول النصارى لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاهر فأقول إن هؤلاء القوم يقولون إن الله بذاته في كل مكان فإن قال قائل إن الله تعالى في كل مكان في السماء فما الجواب عن ذلك فإن قال قائل إن الله عز وجل في كل مكان في السماء فما الجواب عن ذلك. On va revenir à ça. Le cheikh, il dit, la raison pourquoi la parole de ceux qui disent que Allah est partout, elle est plus mauvaise que la parole des chrétiens. Pourquoi? Il dit parce que l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit que celui qui dit que Allah est dans toutes choses, sa parole est plus mauvaise que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont dit, Jésus, hein, Dieu est incarné en... Ils ont dit que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est incarné en Jésus. En Jésus, le fils de Marie. Et c'est-à-dire qu'ils ont dit, comme si Allah il s'est mélangé uniquement avec Isa ibn Maryam, seulement. Dans cet endroit-là et dans son corps, seulement. Donc ils ont spécifié un endroit unique et un endroit pur parmi les prophètes, un homme pieux, et ils ont dit Allah est mélangé en Isa. Tandis que les autres, ces soufis, parmi les soufis, les extrémistes et les jahmiyas, ils disent Allah est partout et dans toutes choses. Hein? Et donc ça c'est encore plus grave que la parole des chrétiens. Parce que eux, ils disent qu'en réalité, Allah est partout et dans tout. Et pas seulement à Isa, pas seulement à un prophète ou à un homme pieux. Même il est à l'intérieur des pécheurs, à l'intérieur des criminels, à l'intérieur des tueurs, à l'intérieur des voleurs, à l'intérieur des mouchriquines, à l'intérieur des idolâtres, à l'intérieur des idoles, à l'intérieur des porcs, des singes, des animaux... de tous les différents animaux à l'intérieur des endroits sales, ça c'est encore plus grave. Donc ils n'ont pas purifié Allah de quoi que ce soit, hein? Ils n'ont pas spécifié Allah comme étant uniquement dans qu'est-ce qui est pur. En réalité, c'est pour ça que ces gens-là ils considèrent qu'il n'y a rien d'impur, puisqu'ils disent que tout est Allah, hein? Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de pur, il n'y a pas d'impur pour eux, parce que tout est Allah. Ils disent tout ce qu'on voit différence, des choses différentes, c'est juste des apparences. La réalité c'est que tout est un, et tout est Allah. Et c'est plus grave que même la parole des mouchriquins. Et ça c'est encore plus dangereux aussi. Hein? Donc... Allah al-Musta'an. Donc, il y a Ibn Taymiyyah qui disait ça aussi. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré les chrétiens comme étant des kuffars parce qu'ils disent que Jésus, Dieu est entré en Jésus. Alors que dire de celui qui dit que Dieu est rentré dans tous les hommes, et dans toutes les créatures, et dans toutes les choses? C'est encore plus kufr, hein? C'est encore plus grave. Allah musta'an. Et donc, le Cheikh dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي السَّمَاءِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ قلنا ليس معنى في السماء في نفس السماوات السبع أبدا بل هو فوقها وقد قلنا إن في السماء بمعنى على السماء أو في السماء في العلو والعلو ليس هو السماوات الأجرام وإلا فمعلوم أنه لا يجوز أن نعتقد أن الله تحيط به السماء بل هو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتقر للعرش بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لسقط. Donc il dit, et ça aussi c'est un point important, il dit si quelqu'un dirait que Allah est partout mais dans les cieux, qu'est-ce qu'on dit à ce propos? Est-ce que ça c'est correct de dire ça? Que Allah est partout dans les cieux? Et le cheikh il répond, il dit, quand on dit que Allah est dans les cieux, ça ne veut pas dire qu'il est dans les sept cieux. Hein? Pas du tout. Ça veut dire qu'il est au-dessus des cieux. Hein? Parce qu'on a déjà expliqué que quand on dit en arabe as-sama, au fils sama, ça veut dire sur les cieux. Ou bien dans c'est-à-dire al-ulu, fait al-ulu, as-sama ça veut dire al-ulu, c'est-à-dire les hauteurs au-dessus, hein, au-dessus. Donc quand on dit que Allah est dans les cieux, ça veut dire au-dessus des cieux, hein, par-dessus la création, et non pas dans le ciel, dans les nuages, dans les sept cieux, non. Et donc le cheikh il dit, il faut jamais comprendre que quand on dit que Allah est dans les cieux, ça veut dire dans le ciel, hein, dans les sept cieux, non. Ça veut uniquement dire que Allah est au-dessus de sa création. Et il n'est pas permis de croire que Allah est encerclé ou entouré par les cieux. C'est pas permis de croire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Donc il n'est pas permis de croire même qu'il a besoin du trône. Hein? Et que si on enlevait le trône, il tomberait. On n'a pas le droit de croire ça. C'est Allah qui soutient le trône et qui soutient toute la création. Il n'a pas besoin du trône. Et donc, on n'a pas le droit de penser que si on enlevait le trône, Allah tomberait comme si un être humain qui est sur une chaise, si on enlève la chaise, il va tomber. Donc, penser que c'est la même chose pour Allah, jamais de la vie. A'udhu billah. On n'a pas le droit de croire à ça. Et c'est ça parfois que les Mubtadi'a, ils essaient de faire comprendre ou faire croire aux gens. Ils disent, ah, les Wahhabiyya, c'est des anthropomorphistes, ils disent que Allah est assis sur un trône, hein, et qu'il a, et comme un être humain qui est assis sur, a'udhu billah, personne n'a jamais dit ça. Parmi les gens qui suivent la compréhension des salafs et qui sont sur la aqidah d'Ahl-Sunnah, hein, on n'a jamais pensé ça, on n'a jamais dit ça non plus. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Hein, sur son trône, au-dessus du trône, mais il n'a aucun besoin du trône, et c'est pas le trône qui le supporte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient le trône et qui retient les cieux et qui retient la terre, qui retient toute la création, hein, c'est lui qui la porte, hein, et qui supporte toute chose, c'est pas le contraire. Et le deuxième groupe qui ont dévié à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création par son être, c'est l'autre extrême qu'on a mentionné. Il dit at-ta'ifatu thaniya qalu la yajuzu an tasif Allah bi annahu fi ayyi makanin itlaqan fala taqul fi as-samaa wa la fi al-ard wa la muttasilan bil-'alam wa la munfasilan 'anhu wa la mujanib wa la mujanib wa la muhayith ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا تصفه بأي وصف من هذا فلهذا جعل الله تعالى عدما حتى قال بعض العلماء لو قال لك قائل صف لي العدم فما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة للعدم من هذا الوصف فالحمد لله الذي هدانا فنحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنى وذاتا. Donc le deuxième groupe, c'est ceux qui disent on n'a pas le droit de décrire Allah dans aucune des endroits de façon absolue et dans aucune direction. Donc on ne dit pas qu'il est dans les cieux, ni sur la terre, ni relié à ce monde, ni attaché à ce monde, ni séparé de ce monde, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière, ni en haut, ni en bas, ni aucune de ces descriptions-là. Ils disent, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas mélangé à sa création, il n'est pas séparé. Alors il est nulle part alors. C'est ça qu'ils disent en réalité. Et c'est pour ça que des ulama ont dit, si tu demandais à quelqu'un de décrire le néant, il n'y aurait pas une description que tu pourrais donner qui serait meilleure que celle-là. Et une fois j'ai mentionné ça à un des Ahbash qui discutait avec moi, il voulait discuter avec moi, et Allah al-Musta'an, je lui ai dit, dans ce cas-là tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est au-dessus de sa création. Lui, il a dit, non, on n'a pas le droit de dire ça. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous. Il n'est pas dans sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Alors j'ai dit, dans ce cas-là, il est nulle part. J'ai dit, vous niez que Allah est au-dessus de sa création parce que vous craignez de faire ressembler Allah à une de ses créatures. Mais pour résoudre ce problème, ce soi-disant problème, vous le faites ressembler à quelque chose qui est plus grave encore. Vous le faites ressembler au néant. Vous fuyez de la description de ce que Allah a mentionné à propos de sa personne lorsqu'il dit lui-même qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création, et ça vous le niez et vous fuyez de ça en disant non, on ne veut pas faire ressembler Allah à sa créature, et pour résoudre cette soi-disant ressemblance, vous le faites ressembler à le néant. Alors là, il était vraiment choqué, il ne savait plus quoi dire. Et il est rentré dans des histoires philosophiques. Il est rentré là, il est rentré vraiment à fond dans la philosophie pour essayer de répondre à ça. Mais avec les choses qu'il a ramenées, tu voyais clairement que leur madhab et leur mentalité, leur idéologie, elle n'est pas du tout basée sur le Coran et la Sunna. C'est purement philosophique leur truc. C'est purement philosophique. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus rien dire. Et quand l'imam Ahmad, il les a tués avec cette réfutation-là. Quand il leur a mentionné des arguments rationnels pour les réfuter, ils ne savaient plus quoi dire. Il leur a dit, Allah il existait et il n'y avait rien. Il y avait seulement Allah. Puisque Allah est éternel. Allah n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est le premier, il est le dernier. Et à un moment donné, il a décidé de créer la création. Il a décidé de créer. Il dit, quand il a créé la création, il y a seulement deux ou trois possibilités possibles. Soit qu'il a créé la création à l'extérieur de lui-même, ou à l'intérieur de lui-même. Ou qu'il l'a créé en lui-même, puis après il l'a fait sortir. Et l'imam Ahmad a dit, et ça c'est dans son livre, Ar-Radu al-Jahmiyyah, Il dit, si vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création en lui-même, alors vous êtes des kuffars dans ce cas-là. Parce que il n'y a rien en Allah qui est créé. Et si vous dites que Allah est créé, donc vous êtes des kuffars. Et si vous dites qu'il l'a créé en lui-même, puis après il l'a fait, mis à l'extérieur de lui-même, ça aussi c'est du kufr. Donc il vous reste uniquement une seule possibilité, c'est de dire que Allah a créé la création à l'extérieur de lui-même. Et ça c'est la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, il enveloppe, il cerne sa création, et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre dans sa main droite. Il va les fermer dans sa main droite. Et Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ce verset-là en disant que les cieux et la terre et tout l'univers, c'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous, pour Allah. Donc, ça veut dire que, yani, comment tu peux penser que Allah subhanahu wa ta'ala serait cerné par sa création? Alors que la création tout entière n'est rien. Une chose infiniment petite à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur. Donc il n'y a pas de comparaison possible entre le créateur et la créature. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui soit comparable à lui, et il est l'audient et le voyant. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que ces gens-là, en réalité, ils s'enfuient d'un mal et ils courent vers quelque chose de plus mal encore. Et ça, c'est souvent le cas. C'est comme quand ils nient le fait que Allah est au-dessus de son trône. Quand on dit, nous, le verset qu'on mentionne à ce sujet-là, qu'il est sur le trône, au-dessus de son trône, on dit « Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa » ou bien dans d'autres versets, il y a 7 versets dans le Coran où il dit « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Il y a 7 versets dans le Coran qui mentionnent ça. Et eux, ils disent « Istawa », ça ne veut pas dire « Istawa », ça veut dire « Istawla ».« Istawla », ça veut dire « Il a conquis le trône ». Alors qu'on sait très bien que dans la langue arabe classique, le terme « Istawa » ou le verbe « Istawa », ça veut dire « yani de s'élever au-dessus de quelque chose » ou de monter sur quelque chose. Donc, eux, ils disent « Non ». Ça veut pas dire istawa, ça veut dire istawla. Il rajoute une lettre. Et quand tu rajoutes une lettre, ça change le sens. Ça veut dire istawla, ça veut dire prendre ça veut dire conquérir ou prendre le dessus sur quelque chose. Donc c'est comme s'ils disent Allah a conquis le trône. Comme s'il y avait quelqu'un qui était sur le trône avant Allah, puis Allah est venu, il l'a enlevé, il a conquis le trône. Donc ils s'enfuient d'une signification, parce que eux ils s'imaginent Allah dans leur esprit, en comparant Allah dans leur imagination à une créature. Et quand ils font cette ressemblance entre Allah et la créature dans leur esprit, ils veulent s'enfuir de cette ressemblance en déformant le sens du verset et lui donnant une autre signification que eux ils pensent qu'en faisant cette interprétation là il s'enfuit de qu'est-ce qui implique une imperfection à Allah, et il le remplace par une autre chose qui est plus grave encore que qu'est-ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'ils mettent à Allah un rival, ils donnent à Allah un rival. C'est-à-dire qu'ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a conquis le trône, comme s'il avait un rival qui était sur le trône avant lui, et qu'il est venu le conquérir. Et ça, c'est encore plus grave que ce qu'ils ont compris du verset à la base. Allah al-Musta'an. Non, on peut pas dire ça, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, Inna Allah yanzilu, Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier tiers de la nuit. Et quand il descend au dernier tiers de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il descend au dernier des cieux, c'est-à-dire aux cieux, au ciel qui est le plus proche, sama ad-dunya. Et le ciel le plus proche, sama ad-dunya, c'est le dernier des cieux, c'est le ciel de notre monde à nous, le premier ciel, ad-dunya. Et c'est يعني celui comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons enjolivé le ciel de la dunya avec des étoiles. Donc le ciel qu'on voit la nuit qui est enjolivé par les étoiles, ça c'est السَّمَاءَ الدُّنْيَا. D'accord. Et Allah descend à ce dernier des cieux, à ce dernier ciel, et il demande. Il demande qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, qui va m'invoquer pour que je l'exauce, et ainsi de suite. Et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala descend, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala descend, mais le comment, on l'ignore. Et c'est comme al-istiwa. On n'a pas le droit de demander comment Allah s'élève sur le trône ou comment il s'est élevé sur le trône. Parce que le comment, on ne peut pas le comprendre et on l'ignore. Mais on sait que la signification de al-istiwa, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? On sait qu'est-ce que le terme al-nuzul signifie en arabe. On sait que al-istiwa, ça veut dire monter sur ou s'élever au-dessus d'eux. On sait que al-nuzul, ça veut dire descendre. Mais comment Allah descend, on le sait pas. Et comment Allah s'élève sur le trône, on le sait pas non plus. Et on essaie même pas de l'imaginer dans notre esprit. Et peu importe qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer dans notre esprit, on doit toujours se dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas semblable à sa créature. D'accord? Donc, tout ce que tu pourrais imaginer dans ton esprit qui ressemble à qu'est-ce que la créature fait ou à qui ressemble à une créature, alors tu sais que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tu affirmes ce que Allah a affirmé et tu t'en tiens à ça. Le comment, tu le remets à Allah. D'accord? Naam. Ensuite, le cheikh il dit: فالحمد لله الذي هدانا فنحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنا وذاتا. Donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous, يعني dans le sens qu'il est au-dessus dans sa hauteur, dans sa grandeur, dans ses noms et dans ses attributs. Ses attributs sont élevés, ses attributs sont hauts, ils ont un statut élevé, et il est également au-dessus de nous par son être aussi. Non. Le cheikh il dit ensuite: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ تَنَطَّعْتُمْ حِينَ قُلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى عَلِيٌّ بِذَاتِهِ تَنَطَّعْتُمْ حين قلتم إن الله علي بذاته فقولكم بذاته هذا تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فقلنا إننا لم نتنطع ولكن أردنا أن ندفع قول سوء وهم الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته فنقول بل هو علي بذاته ولولا أنكم ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا ولكن ماذا نعمل في دفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل فنحن نقول بذاته ضرورة كما قال بعض السلف استوى على العرش قال استوى بذاته وبعضهم أنكر هذا وقال لماذا تقولون بذاته فنقول لهم نحن لم نقل بذاته تعنتا أو تنطعا لم نقل بذاته تنطعا وإنما قلنا بذاته ردا على من يقول استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء. وكذلك النزول إلى سماء الدنيا، بعض العلماء قال ينزل بذاته، وقال آخرون هذا تنطع. لماذا تقولون بذاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ينزل بذاته؟ قلنا نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ينزل بذاته لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل. فالصحابة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهموا أن الله هو الذي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول بذاته. ولكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا، أو إن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطررنا إلى أن نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر وليس تعنتا. On va traduire tout ça. Donc le cheikh il dit, certains ont dit, vous êtes rentré dans les détails, vous êtes rentré dans l'exagération quand vous avez dit que Allah est élevé par son être. Hein? Donc quand vous dites par son être, bidatihi, ça c'est de l'exagération, de l'extrémisme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, ceux qui font de l'exagération et de l'extrémisme, ils vont périr. Et le cheikh, il dit, nous disons, non, nous n'avons pas fait d'exagération, mais nous avons uniquement voulu réfuter et repousser une parole mauvaise. Il dit, ce sont eux en réalité qui ont dit, Allah n'est pas élevé par sa personne et son être. Donc nous avons répondu à ces gens-là en disant, certes, Allah est élevé par son être. Mais si vous n'aviez pas dit, hein, ou si vous n'aviez pas nié que Allah est au-dessus de sa création par son être, on n'aurait pas eu besoin de rajouter en disant par son être. Mais hein, on se serait uniquement limité à qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et qu'est-ce qui est mentionné dans le Hadith. Et on n'aurait pas rajouté aucune lettre supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre pour repousser cette transgression contre la charia et contre le Créateur? On n'avait pas le choix. Donc on a dit, il est au-dessus de sa création par son être et par sa personne. Et ça c'est par nécessité. Et c'est pour cette raison que certains parmi les salafs, quand ils ont lu le verset 54 dans Surat al-A'raf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Istawa ala l'arsh », hein, il s'est élevé sur le trône, certains salafs ont dit « Istawa bidhatihi », il s'est élevé sur le trône par son être et par sa personne. Et certains ont critiqué cela. Certains ont critiqué cela. Pourquoi vous dites par son être? Et nous avons dit, nous n'avons pas dit cela par exagération ou par extrémisme, mais nous avons dit uniquement par son être pour réfuter ceux qui disent que Allah est élevé au-dessus de son trône d'une élévation allégorique ou symbolique et non réelle et non par son être. Donc nous avons réfuté ça parce que eux ils disent Allah s'est élevé dans le sens qu'il s'est élevé par le fait qu'il est le tout puissant et qu'il a le pouvoir et qu'il a pris le contrôle et qu'il a pris le pouvoir du trône et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit la même chose pour la descente. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au ciel de la dunya, certains ulama ont dit il descend par son être. Hein? Et d'autres ont dit ça c'est de l'exagération. Pourquoi vous rajoutez ça? Et vous dites, pourquoi vous dites par son être? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit dans le hadith, il descend par son être et par sa personne. Nous disons, c'est vrai que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit par son être, parce qu'il parle à des Arabes, il parle à des gens, il s'adressait à des gens qui comprennent la langue arabe et qui savent que lorsqu'un verbe est attribué ou est mentionné par rapport à un sujet, hein, au sujet, que l'action qui est attribuée au fa'il, au sujet, eh bien c'est l'être et la personne du sujet en question. C'est pas quelque chose qui est symbolique. Hein? Si je dis par exemple, Abdurrahman est venu à la mosquée, je vais pas dire, ah, il est pas venu à la mosquée, il est venu symboliquement à la mosquée. Il est resté assis chez lui. Mais symboliquement ou allégoriquement, il est venu à la mosquée dans son esprit. Tu comprends? Ça existe même pas dans la langue. Quand tu dis que quelqu'un a fait une action, ça dit c'est lui qui l'a fait. Hein? Sauf s'il y a quelque chose qui peut indiquer, une preuve qui peut indiquer autrement. Mais là, c'est pas le cas. Hein? Si Allah dit qu'il descend au dernier des cieux ou qu'il s'élève sur le trône, ça veut dire que c'est lui qui s'est élevé au-dessus du trône et qui est descendu au dernier des cieux. Hein? Certains ont interprété aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est descendu au dernier des cieux, ils disent c'est les anges qui sont descendus. Ou bien c'est son ordre et son commandement qui est descendu. Et ça, bien entendu, c'est des fausses interprétations. Et le Cheikh dit aussi, fas sahaba, donc le Cheikh dit les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit notre Seigneur descend au dernier des cieux, ils ont compris que celui qui descend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas eu besoin de leur dire par son être. Hein? Mais lorsque des gens sont arrivés et qu'ils ont dit on va faire l'adhan, inshallah. Donc on va terminer l'explication du verset, inshallah. Donc le cheikh il dit, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba notre Seigneur descend au dernier des cieux, ils ont compris que c'est Allah lui-même qui descend. Il n'a pas eu besoin de leur dire qu'il descend par son être et par sa personne. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont venus et qui disent il est descendu de façon allégorique et non pas par son être, ou que sa descente c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, soit les anges ou son commandement. Alors nous disons non, hein, c'est Allah qui a descendu par son être et par sa personne pour repousser cette parole injuste, hein, pour repousser en fait ce mensonge. Et donc c'est pas de l'exagération, c'est pas de l'extrémisme, d'accord. Et certains, comme je disais au dernier cours, certains traduisent le terme that par le mot essence. Il dit Allah est descendu par son essence. Et cette traduction là en fait, ça donne pas la vraie signification de that en arabe. Et les ulama, quand ils utilisent that, ils disent que ça veut dire nafsu shay, hein, Shay nafsu, hein, that, c'est la chose elle-même, son être, sa personne. C'est pour ça que moi j'utilise pas le mot essence, parce que ça c'est en réalité une traduction philosophique de la réalité de that. Et quand quelqu'un utilise le terme essence, ça donne un autre sens. C'est pour ça que j'aime pas vraiment employer cette traduction là. Le cheikh dit المهم انه قد تبين ان الله عال بذاته وصفاته على جميع الخلق والادله كثيره وقد ذكرنا مجملها وانها تنقسم الى خمسه انواع لا خمسه احاد وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. Donc on a, pour résumer tout ce qu'on a expliqué, le cheikh il dit, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de sa création par sa personne et dans ses attributs également sur toute sa création. Et les preuves à ce sujet-là sont nombreuses et on a mentionné les plus importantes et elles sont divisées en quatre catégories, ces preuves. Les preuves du Coran, les preuves de la Sunna, les preuves de l'ijma, le consensus, les preuves de la raison et les preuves de la fitra. Ces cinq catégories de preuves sont réunies pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.